Collusion pour l'alliance militaire tripartite. Sous ce titre, le journal coréen de Dong Simun de lundi donne un commentaire qui dit entre autres. À Singapour a eu lieu récemment l'entretien des autorités militaires sud-coréo-américano-japonaises. À cette occasion, le ministre sud-coréen de la Défense Han Min-gu et ses suzerains américains et japonais ont taxé notre mesure de renforcement de la dissuasion nucléaire de violation de la résolution sur la sanction et insisté sur l'application rigoureuse de la sanction et la collaboration étroite en vue de l'abandon du nucléaire du Nord. Par ailleurs, en parlant d'une nécessité de la collaboration face à la menace du nucléaire et des missiles du Nord, ils envisagent de partager plus largement les renseignements militaires sur la Corée du Nord en profitant de leur manœuvre conjointe de défense antimissile balistique prévue. C'est ainsi qu'a été révélée la nature des autorités sud-coréennes qui s'opposent à leur nation, recourent aux forces étrangères et se démènent pour la confrontation Nord-Sud et la provocation d'une guerre contre le Nord. L'entretien précité constitue une provocation dangereuse visant à hâter la fabrication de l'alliance militaire tripartite contre le Nord sous la manipulation des États-Unis. Plus les autorités sud-coréennes s'acharnent à la confrontation en collusion avec les forces extérieures, plus se durcit notre volonté de sauvegarder fermement la souveraineté et la dignité nationale et d'écraser impitoyablement les agresseurs avec la puissante dissuasion nucléaire autodéfensive.